saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Et pour la prière. Il y a le frère Kabanda qui est à Kinshasa. Pour raison de soins. Il faut se souvenir de lui dans la prière. C'est depuis mardi qu'il est à Kinshasa. Il m'avait fait un message. Il était bien arrivé. Et le traitement a déjà commencé. Alors, souvenez-vous de lui dans vos prières. Notre Dieu est notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons grand merci. Parce que l'œuvre que tu as accomplie pour nous au bois du calvaire est une œuvre d'amour. Seigneur, si ça dépendait de l'argent ou des choses matérielles, ou cela dépendait d'un humain comme nous, nous serions tous perdus. Seigneur, merci. Viens consoler nos cœurs. Viens perfectionner notre foi. Et fais-nous réellement tes enfants humbles qui mène une vie digne de l'Évangile en attendant ton retour. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Comme ton serviteur l'a dit, souviens-toi de notre pasteur et de toute la délégation qui est allée à Katanga. Sois avec eux jusqu'à leur retour. Merci Père. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Dans Ecclésiaste au chapitre 5. Ecclésiaste au chapitre 5, dans son verset 3 et 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, wakati ile ukifanya kiapo kwa Mungu, ne tarde pas à l'accomplir. Usigawie bila kuitimiza. Car il n'aime pas les insensés. Kwani Mungu asipende watu wajinga. Accomplis les vœux que tu as fait. Utimize kiapo ile ulifanya. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Ni mzuri kwako usifanye kiapo que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Kuliko kufanya kiapo na bila kuitimiza. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Cette instruction que nous recevons d'Ecclésiaste, ni agizo tunapokea ya Mhubiri, est un avertissement clair. Makalamusho ya wazi. Qui empêche à chacun de nous de pécher. Ile kunazuiza kila mmoja wetu asitende zambi. En faisant des engagements qu'on n'est pas en mesure d'accomplir. Mugufanya biapo bila una mukimo ya wewe kutimiza. Dieu n'aime pas les insensés. Mungu apenda ke batu bajinga. Prendre un engagement et sans le réaliser, kufanya kiapo na bila kuitimiza, c'est être un insensé. Njokuwa mutu mujinga. Un homme sage est celui qui s'abstient de faire des vœux à Dieu ou à qui que ce soit. Mutu wa hekima ni ule kuna jizuiza asifanye biapo mbele ya Mungu wala mbele ya mtu fulani. Lorsque tu fais un vœu, wakati ile ukifanya kiapo, vous êtes lié aux paroles qui sont sorties de votre bouche. Manake unafungwa kumisemo ile inatoka mkinywa yako. Lorsque tu écris un engagement, kifanya kiapo fulani, vous avez une obligation de l'accomplir. Uko mumapasha ya kuitimiza. Dans Nombre au chapitre 30, Mwesabu sura ya makumi tatu, dans son verset 3, la Bible dit ceci. Msari yake ya tatu, Biblia inasema hivi. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel, wakati le mutu atafanya kiapo kwa milele, ou un serment pour se lier par un engagement, wala kiapo kenye kufungana na kiapo, il ne violera point sa parole. Awezi kamwe kuvunja sauti yake. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Atatenda kufuatana na ile yote ilitoka mkinywa yake. Efo Branham nous a enseigné et dit, na nduku Branham anatufundisha na kusema, quand vous promettez à quelqu'un, wakati ukimulaka mtu, que vous allez faire quelque chose, ya kwamba utamufania kitu fulani, vous êtes lié par cet engagement, pale unafungwa na ile kiapo yako, vous devez l'accomplir, unapasha hakika uitimize, sinon vous péchez. Kama uitimize manake unatenda zambi. Dans Deutéronome au chapitre 23. Kumbukumbu la Torati sura makumi mbili na tatu. Dans son verset 21. Musari yake makumi mbili na moja. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, ukifanya kiapo mbele ya Yehova Mungu wako, tu ne tarderas point à l'accomplir. Usigawie kuitimiza. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait le compte. Kwani Yehova Mungu wako atakusambisha juu ya ile. Et tu te chargerais d'un péché. Na utalitwika na zambi. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, lakini kama ukijizuiza aufanye kiapo, tu ne commettras pas de péché. Pale autende zambi. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sera sorti de tes lèvres. Utaheshimia na kutimiza ile yote ilitoka mkinywa yako. Par conséquent, Raile, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu, yapo ile utafanya kwa kusudi kwa Yehova Mungu wako, et que ta bouche aura prononcé, na kile kinywa yako itasema, c'est vrai mon frère, c'est vrai ma soeur. Ni kweli nduku yangu na ni kweli dada yangu. Il y a des fois nous agissons en insensé. Ngalaka kila mara tukunatenda sawa tu wajinga. Nous nous empressons pour s'engager envers le Seigneur, envers les gens. Tukumwaraka jua kujitoa mbele ya Bwana. Envers les gens. Na mbele ya watu. Mais sans en mesurer les conséquences. Bila kuangalia matokeo mbaya. Aujourd'hui nous avons beaucoup de frères et de sœurs. Leo hii tuko na banduku mingi na badada mingi. Qui avaient pris un engagement pour amener leur cotisation pour la construction de la maison de Dieu. Bali chugua mipango juu ya kuleta mchango yabo kwa ajili ya kujenga nyumba ya Mungu. Mais plusieurs ont déjà oublié leur engagement. Alakini ba mingi banasabu ile mipango bali chugua. Et ils vivent dans le péché. Na beko naishi muzambi. Et à un certain moment Dieu vous demandera des comptes. Wakati fulani Mungu atamihukumu. Parce que celui qui n'accomplit pas son vœu, Dieu ule ashitimize kiapo yake. Il agit en insensé. Na anatenda sawa mujinga. Et il a péché. Na anatenda zambi. Et aussi longtemps qu'on demeure dans ces péchés là. Wakati yote lo nabakia mwile zambi. N'espérez rien de la part du Seigneur. Usitumainie kamwe kupokea kitu kwa upande wa Bwana. Parce que le péché amène sur nous de la malédiction. Wani zambi iko natuletea laana. Quand Dieu lui-même dit, celui qui fait un engagement et qui ne l'accomplit pas est un insensé. Un insensé ne fait pas la joie du Seigneur. C'est pourquoi, pour tous les vœux que nous avons déjà fait envers Dieu, comprenons que nous sommes dans l'obligation de les accomplir. Si tu t'es déjà pris dans un engagement, dégage-toi par l'accomplissement de ce qui est sorti de ta bouche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Est-ce qu'avez-vous compris cela? Neti munaele wayo. Merci. Asante. 13e question. Ulizo ya 13. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Njo pale tulisimamia jana. J'ai déjà fait un vœu avec Dieu. Minesha kumulaka Mungu. De ne pas garder les péchés dans mon cœur. Ya kwamba siwezi kuchunga zambi mumoyo wangu. Maintenant, sasa, chaque fois que je parle, kila mara nikisema, ou si nous nous échangeons avec quelqu'un, wala, kama tuku naongea na mutu, si seulement je parle en mal, kama tu nikisema vibaya, bila kusema la chose, sans dire la chose comme il faut, vilena staili, je parle en mal, bila kusema la chose comme il faut, bila kusema bitu vilena staili, j'ai la condamnation dans mon cœur, niko na hukumu mumoyo wangu, et je suis obligé de retourner vers le frère ou la sœur pour lui demander pardon. Na lazimisha kurudia kumuona ule nduku wala ule dada jua kumuomba usama. Ça m'arrive souvent. Iko nanifikia kila mara. Maintenant, dois-je chaque fois faire cela? Sasa, eti, mina pasha kuendelea kufanya paka vile kila wakati? Même si je parle avec une sœur et que je donne un exemple en citant le nom de quelqu'un, dans notre conversation, mata kama nikiongea na dada na nikitaya mumutu mumaongezi yetu, après cela j'ai la condamnation, kisha ile napata majukumu, et je vois que j'ai fait la médisance, na niko naona kwamba mimi nashimangana, j'ai vu tantôt dans l'assurance, wakati moya niko naishi katika hakikisho, tantôt dans le doute, na wakati ingine niko naishi katika la shaka, peur katika boka, et chaque fois je dois aller voir le frère ou la sœur pour me repentir. Parce que je ne veux pas avoir de reproches dans le cœur. Et quand je ne le fais pas, dans ma conscience, il y a toujours des reproches qui ne me laissent pas tranquille jusqu'à ce que j'aille voir la personne. Et il y a une peur dans mon cœur que Dieu n'exaucera pas ma prière. Je souffre. Aide-moi. S'il vous plaît, pour que je sois libre et que les doutes quittent mon cœur. Merci. C'est ça la question du frère ou de la sœur. Le frère ou la sœur avait fait un vœu au Seigneur qu'il ne garderait jamais le péché dans son cœur. Depuis qu'il a fait ses vœux, cet engagement envers le Seigneur, chaque fois qu'il parle avec une sœur ou avec un frère, tout en citant quelqu'un ou en parlant un peu mal de quelqu'un ou en parlant d'une manière qui n'est pas exactement correcte, il s'élève dans son cœur une condamnation qui l'oblige de retourner voir le frère ou la sœur pour mettre en ordre cela. Et la première question ou la première préoccupation du frère ou de la sœur, est-ce que maintenant je dois continuer toujours à vivre comme ça et à le faire régulièrement? Je réponds à cette préoccupation. Si c'est la chose à faire. C'est la chose qu'il faut faire. Que vous devez faire. Pour être correct avec le Seigneur. Vous voyez. La condamnation qui s'élève dans votre cœur prouve que tu n'as pas agi correctement et que tu as offensé le Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit comme l'homme qui habite ton cœur ne supporte plus la médisance, ne supporte plus le mépris, ne supporte plus le mensonge, ne supporte plus les choses correctes et contraires à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il les rejette. Il les repousse en dehors de vous. Et surtout que tu as fait un vœu. Que tu ne veux plus garder le mal dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta décision. Chaque fois que vous péchez, allez mettre la chose en ordre. Si cela te coûte 100 fois, pour que la paix vienne combler ton cœur, faites-le 100 fois. Si tu le fais 200 fois, allez te repentir 200 fois. C'est ce qui est correct devant le Seigneur. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, gardez ton cœur libre. Mais maintenant, tantôt, vous avez l'assurance. Tantôt il y a des doutes et parfois vous avez peur d'aller voir le frère ou la sœur. L'assurance vient quand il n'y a pas de condamnation dans votre cœur. Mais le doute arrive lorsque tu deviens un vase du diable. Lorsque tu pèches et tu as brisé les vœux, le doute vient en toi parce que tu n'es pas correct devant le Seigneur. La peur qui vient en toi, qui voudra vous empêcher de voir le frère ou la sœur pour vous repentir, ça c'est l'œuvre de Satan. Vous voyez bien mes frères, l'église est avec moi. Tout ce qui t'empêche, pour les raisons qui s'élèvent dans votre cœur, mais qui vous empêchent de vous mettre en ordre avec le Seigneur, cela ne vient que de Satan, qui veut que tu demeures dans le péché et que tu sois tué. Donc, vous voyez, c'est l'œuvre du diable. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Soyez très attentifs à ce que tu fais. Considérez la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Cette condamnation que vous avez de temps en temps, qui vous conduit à vous humilier pour aller voir le frère ou la sœur que tu as offensé, c'est une bonne chose dans ton expérience du salut. Dans la voie du salut, nous vous avons dit que lorsque quelqu'un est né de nouveau, Dieu place dans son cœur un trône de jugement. Ce trône de jugement vous permet de différencier le bien et le mal. Chaque fois que vous avancez, vous empruntez une mauvaise voie, la vie de Dieu ne supporte pas ça. La vie de Dieu te dira, c'est faux. Donc c'est une bonne chose dans ton expérience avec le Seigneur. Et dans ton expérience du salut. Et nous voyons aussi que Dieu a déjà placé ce trône de jugement en vous. Bien-aimés frères et sœurs, retenez ceci. La vie d'une véritable chrétienne ou d'un véritable chrétien est entièrement fondée 1. Sur la repentance, 2. Sur la réparation de fautes, et 3. Sur le pardon. Continuez à demander pardon à ceux que tu as déjà offensés. Continuez à demander pardon au Seigneur, parce que le pardon se trouve auprès de lui. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Du haut de cette chair, je vous ai déjà enseigné que lorsque vous voyez dans votre vie la vie de la repentance disparaître, tu es tombé dans la séduction du diable. L'église est avec moi. Kama unaanza kujiona seme, unakuya zéro faute. Na auna tena bia kutengeneza, uyua kusema unaisha kwa huko mteko ya shetani. Sache que tu es déjà tombé dans les pièges. La vie d'un chrétien sera toujours accompagnée de la vie de la repentance, de la réparation, demander pardon. La Bible elle-même dit, il n'y a aucun homme juste qui peut mener une vie juste et sans commettre le péché. Ça n'existe pas. Même celui qui est baptisé du Saint-Esprit, comme il y a une question questions que je parlerai un peu plus tard, comme je l'avais promis. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, que personne ne vous trompe pour dire « Je suis baptisé du Saint-Esprit, je ne commettrai jamais d'erreur. » Non, bien mes frères, non, bien mes sœurs, nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est dans notre âme, ce n'est pas dans notre corps. L'homme sauvé et l'homme scellé du Saint-Esprit habite dans un corps faillible. Et la repentance fait partie de la vie chrétienne. Et la repentance prouve que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu ne supportes plus la vie du péché. Tu ne supportes plus le mal en toi. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dans la repentance, il ne faut pas avoir peur. Ne vous sentez pas humilié dans la repentance. Entre l'homme qui ne se repent pas quand il pêche. Et celui qui se répand chaque fois qu'il pêche, quel est l'homme le plus fort et le plus meilleur? L'homme le plus fort et l'homme le plus meilleur, c'est celui qui reconnaît chaque fois ses fautes et qui s'humilie et qui le répare. Voilà l'homme et la femme qui a la faveur de Dieu. Mais l'orgueilleux n'a pas de faveur de l'Éternel. Qu'est-ce que vous allez voir? Ou qu'est-ce que vous venez entendre? Prêcher le 1er octobre 1959 soir. Lorsque un membre, au paragraphe 21, lorsque un membre de l'Église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir, et un membre de l'Église pense toujours dans son cœur qui n'a rien pour lequel se repentir. Ça, c'est un membre. C'est un faux croyant dans l'Église. Parce que lui, il voit que se repentir, c'est être humilié dans l'Église. Quand cette personne ou ces personnes arrive au point où elle pense qu'elle n'a rien au sujet duquel se repentir, on est dans une condition plus grave. On est dans une condition plus grave. Kama unaanza kuona seme unatarajia kutubu ni kusema uko mwatari. Sache que tu es dans un danger. Bien que ta membre d'église, vous êtes dans une condition plus grave que le pécheur qui est dans la rue. C'est-à-dire, ou comme Oubaya Sana, Kupita Ndumba ou Mbalabala. Plus qu'une prostituée de la rue. Ou Nakuya Mubaya Sana, tout en étant dans l'église, Kupita Alaba Mouijo Korapomona Manyum. Et plus que les cambrioleurs. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est vrai. Nikweli. Vous êtes dans une condition plus grave. Ukumwali ya tari sana ya mubaya. Que les pécheurs. Qui est dans la rue. Ule kumbalabala. Vous voyez. Unaona. Parce que vous tombez exactement. Unanguka kabisa kabisa. Dans l'esprit de l'âge de l'Odyssée. Muro ya ikizazi ya laodikia. Les gens de l'âge de l'Odyssée disent. Ya kizazi ya laodikia wanasema. Voyez, ils, d'abord ils sont nus. Ils sont malheureux. Ils sont misérables. Et aveugles. Mais ils ne le savent pas. Mais ils disent, ils voient, ils sont purs, ils n'ont rien à se repentir. Non, bien aimé frère. Eh bien, un homme qui se trouvait dans la rue, aveugle, ce serait horrible. Voyez bien aimé frère. Et, il y a des gens aujourd'hui, qui prétendent être des chrétiens, qui sont membres d'église, et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de la repentance. Vous voyez mon frère, vous voyez ma soeur, si tu es devenu membre de l'église, mais et que tu ne reconnais pas que tu as besoin de te repentir, ah, tu es malheureux. Ouais, bien, mes frères. Mais le fait que toi ici, mon frère, ma soeur, vous avez la condamnation dans ton cœur. Chaque fois que vous offensez Dieu, ou vous bronchez, cela prouve que tu es un chrétien, que tu es une chrétienne. Persévère dans cette voie jusqu'au retour du Seigneur. C'est la manière de te garder pur devant Dieu. Ne considère pas que les gens vont se moquer de toi. Les gens que tu crois se moquer de toi, ce sont eux qui sont plus pires. Dans le même message, au paragraphe 2, si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne ferons rien. A tout à fanya kitu. Vous voyez? Et si on ne fait rien? Celui qui n'avance pas recule. Vous voyez, frère? Quand vous commettez une erreur, quand vous repentez, vous faites quelque chose pour le Seigneur, et vous travaillez à votre salut. Ce n'est pas l'erreur que vous avez commise qui vous conduira en enfer. Non, c'est votre orgueil et le refus de vous repentir qui amènera le châtiment sur vous. C'est pourquoi n'écoutez pas Satan. C'est Satan qui te trompe. Et qui veut te séduire en semant en vous. Cette peur pour te retenir dans le mal. Ne l'écoutez pas. C'est un menteur. Toi, tu es un fils de Dieu. Écoutez la voix intérieure. Et cette condamnation qui te pousse à la repentance. Obéissez à Dieu et à sa parole. Et oubliez tout ce que Satan te dit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça va. Maintenant, si toi, mon frère ou ma soeur, tu pêches, il n'y a pas de condamnation en vous. Vous justifiez le péché. Tu n'es pas fils de Dieu. Et tu n'es pas fils de Dieu. mon frère, ma soeur, lorsque vous péchez, vous commencez à vous justifier. Vous cherchez des arguments pour parler devant les gens comme juste et calmer ta conscience. Tu n'es pas sauvé et tu es habité par les démons de l'enfer. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? On ne couvre pas le péché par les justifications, par les versets. Oh, pasteur, il s'est maquillé. Oh, Bible, il s'est maquillé. Oh, Bible, il s'est maquillé. Oh, prophète, il s'est maquillé. Le prophète a dit ceci. Zambi, n'zambi. Le péché reste péché. Dawa ya zambi. Le remède du péché, c'est le réparer d'être à oh, il faut naïvi, parce que. Voilà, il faut naïvi. Il faut naïvi parce que frère, il faut naïvi. Il faut naïvi parce que. Il faut naïvi. J'ai fait ceci parce que tel a fait ceci. Le comportement à vous pagano. C'est ça qui arrive souvent même dans beaucoup de couples, dans les amitiés. Bon, on a fait un kintu. Oh, il faut naïvi parce que toi tu as fait ça. J'ai fait ça, tu es naïvi. Bibi na non non il faut naïve parce que toi tu as fait quoi? Tu as dit ça parce que toi tu as voulu ne pas pagano. Ça c'est être païen. C'est la condition adamique. Dieu ali ya Adamu. Quand Dieu vient, il dit pour Adam pourquoi tu as fait ça? Adamu Dieu ani nous refanya. Il dit c'est Eve. Non ni Eva. Et toi Eve comment tu l'as fait? Comment tu es arrivé à faire ça? Nous fika mukipiga. Il est le serpent. On a semé na mine nyoka. Éviter ces comportements. Moi puke ile namna ya kuishi. L'homme qui pêche et qu'on a justifié un zambi, et qui justifie son péché, c'est un méchant impie. Na mundu yako natenda nzambi. Celui qui commet les péchés. Eko nasema mubaya. Eko natenda mubaya. Eko natenda mubaya. Si amal. Mais muro yake. Muko baridi. Eko na salama. Le ampe tranquille. Ana mutoto wa Mungu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Tu fais des vœux, il n'y a pas de condamnation dans ton cœur. Tu es quel genre de personne? Tu n'es pas sauvé. Auna mwenye kokolewa. Ton cœur n'est pas régénéré. Moyo wako hayafaniwa upya. Tu n'as pas encore changé. Auyabadilika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. Chaque fois que nous commettons une erreur, ila mara tukikotola. Réparons cela. Tout engenezé. Ça doit être la prière de chacun de nous. Seigneur, unisaidie. Chaque fois que mina kotola, que je commets l'erreur, ni tubu ile mambo, que je puisse me réparer, ni tengeneze ile mambo, et que je puisse le réparer, niache, et l'abandonner, tu ni pate kupokea baraka kutokea kwa. Afin de recevoir parce la bénédiction. Parce que Mungu hawezi kubariki kama uko naishi mzambi atakubariki je. Ne peux pas te bénir aussi longtemps. C'est ce que vous voyez, il y a beaucoup de frères de sœurs. Des années, des années dans leur foi, ils ne sont pas bénis spirituellement. Quand Dieu ne te bénit pas spirituellement, même matériellement, il ne peut pas te bénir. Que Dieu vous bénisse. 14e question. Je voulais juste avoir de l'éclairage sur le passage de Matthieu 24 et de Matthieu 28. Nipenda kuwa na mwangaza yulu ya andiko Mathayo 18:19. Allez, endeni, faites de toutes les nations des disciples. Mfanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Les baptisant au nom du Père, baptisa mujina ya Baba, du Fils, ya Mwana, et du Saint-Esprit. Na ya Roho Mtakatifu. Mais nous, alakini sisi, nous croyons aux fonctions trinitaires. Tukunaamini mumakazi tatu. Et non à la divinité trinitaire. Apana umbu mungu botatu. Et nous sommes baptisés au nom du Sauveur Jésus-Christ. Na tukubenyo batiziwa mujina ya Mokozi Yesu Kristo. Le frère ou la sœur uyunduku wala uyudada veut avoir de la lumière sur Matthieu 28. Anapenda kupata mwangaza yulu ya Mathayo sura 28. Dans son verset 19, lisons cela. Matthieu 28. Verset 19. Nous lisons ceci. Dans son verset 18. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je m'arrête là. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus vient se présenter devant ses disciples, il leur affirme et dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si au ciel il y a des êtres qui vivent, tous ces êtres-là n'ont pas de pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir dans le ciel. Si Jéhovah est différent de Jésus et qu'il demeure au ciel après la résurrection de Jésus, Jéhovah a perdu tout pouvoir dans le ciel. Si sur la terre il y a un Dieu quelconque qu'on peut nommer par les humains après la résurrection de Jésus-Christ, c'est Dieu-là ont perdu leur pouvoir. C'est pourquoi Jésus règne. Et son nom règne dans le ciel comme sur la terre. Vous voyez, allez, faites des nations toutes les disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Endeni mufanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Les baptisant au nom. Mukubatiza mujina. Du Père. Ya Baba. Du Fils. Ya Mwana. Et du Saint-Esprit. Na Rom Takatifu. Après que Jésus Kisha Yesu leur ait dit ceci, Kisha kubambia hivi, les disciples, je réponds à la préoccupation du frère. Niku najibia kuangaiko ya nduku wanafunzi. Pourquoi aujourd'hui nous baptisons au nom de Jésus-Christ? Juu ya nini leo tukunabatiza mujina ya Bwana Yesu Kristo? Un nom dans la formule trinitaire. Aina muile bu Mungu butatu. Premièrement, kwanza, le terme trinité misemo bu Mungu butatu n'existe nulle part dans les saintes écritures. Aina ata fwashi moya mu maandiko takatifu. Aina c'est un terme théologique. Ni misemeo ya wale wenye kufunda Mungu. Que ces intellectuels ont inventé. Ile bantu ba kufunda balitunga. Ne comprenant pas la divinité de Jésus-Christ. Bila bo kuelewa bu Mungu wa Yesu Kristo. Étant païen. Sawa vile ni bapa. Et adorateur des idoles. Où ils avaient plusieurs divinités. Ils ont inventé ces mots et avec cette écriture pour appuyer leur trinité. Cela d'abord est faux dès le départ. Maintenant suivez-moi très bien. Comme le frère a demandé de la lumière, ici dans Matthieu 28 19. Premièrement, kwanza, c'est une équation ni équation que Jésus avait donnée aux disciples ni kazi ile Yesu alipatia wanafunzi qui devait être scellé et qui devait être solutionné bale bale pache ile pache kuletwa na jibu à la descente du Saint-Esprit wakati ile Roho Mtakatifu itashuka. C'est pourquoi dans Luc au chapitre 24 Muluka sura 24 Jésus leur avait dit Yesu alibambiaka allez attendre à Jérusalem mwendeni mchunge kule ku Yerusalema. OK. Luc 24. Luka sura 24. Je commence seulement au verset 44. Nansia musara 44. Puis il est dit après la résurrection. Kisha ufufuko akabambia. Et avant son enlèvement. Na mbele ya kunyanyuliwa kwake. C'est là ce que je vous disais. Joile ne kona miambia. Lorsque j'étais encore avec vous. Wakati ile nakuwa pamoja na moyo. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il n'est pas itimilike yote ile waliandika juu yangu mimi. Dans la loi de Moïse. Sheria ya Musa. Dans les prophètes. Mu manabii. Et dans les prophètes et dans les psaumes. Na mu zabibu. Regardez le verset 46 45. Tazameni msara wa 10. Alors. Allez. Il leur ouvrit l'esprit. Kisha akabafu. Pourquoi? Juu ya nini? Afin qu'ils comprennent les écritures. Ili bapate kuelewa maandiko. Parce que dans Matthieu 28, quand je les donne cet examen, wakati alibapacha hii kazi, leur esprit était fermé. Ici, apa sasa, il les ouvre l'esprit. Pour qu'ils comprennent les écritures qui ne comprenaient pas. Des écritures qui étaient des équations. Et il leur dit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait de mort. Le troisième jour. Je vais très bien. Verset 47. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Serait prêché en son nom itaubiriwa kamuchina lake à toutes les nations mataifa yote à commencer par Jérusalem kuanzia paka mu Yerusalemu. Vous êtes témoin de ces choses. Mungu bashuda wa maneno haya. Jésus leur explique Yesu anawafasilia Matthieu 28:19 Matayo 28:19 il dit anasema Matthieu 28:19 le nom dans lequel je vous avais dit c'est mon nom. Ninjina yangu mimi. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est-à-dire manake, la repentance, mutoba, le pardon de péché serait prêché dans le nom de Jésus Christ. Itaubiriwa mujina Yesu Christ. À toutes les nations. Taifa yote, à commencer par Jérusalem. Anzia paka mu Yerusalema. Après leur avoir expliqué ça. Kisha wafa fasilia hiyo. Il leur dit encore. Wambia tena. Allez attendre à Jérusalem. Ende mchunge kwanza mu Yerusalema. Jusqu'à ce que. Ce que Dieu vous a promis. Ile ce que le Père a promis. Ile baba rilaka. Viens sur vous. Ipate kwa yulu yenu. Voyez bien mes frères. C'est pourquoi il dit dans le verset 40-49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez, après leur avoir dit toutes ces choses ici, il leur a dit. Avant d'aller prêcher ou de faire quoi que ce soit, allez d'abord à Jérusalem, m'attendez jusqu'à attendre ce que le Père a promis. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et le verset 5, Jésus lui-même le conduisit vers. Il le conduisit jusque vers Bethanie. Et ayant élevé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient contents. continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Vous voyez, ici, Luc 24 éclaire Matthieu 28. Avant le jour de son enlèvement, Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Avant son enlèvement, avant qu'ils ne se séparent, il leur dit que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés à mon nom, à commencer à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Après avoir dit cela, il dit encore, n'allez pas prêcher, allez m'attendre à Jérusalem. Allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut qui est la promesse du Père. Lui-même Jésus, avant d'être enlevé, il est conduit à Bethanie. C'est là où il s'est séparé d'eux. Et après les séparations physiques, les disciples sont rentrés à Jérusalem. Vous voyez, ils sont restés à Jérusalem, dans la chambre la haute. Ils ne sont jamais sortis pour aller prêcher, parce qu'ils devaient respecter les instructions de leur maître. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 1, Actes des Apôtres quand les disciples lui posent la question sur le royaume, Jésus étant présent les répondit. Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Le temps, ce n'est pas vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé dans sa propre, dans son autorité, dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, je lisais dans le verset 7, maintenant 8, maintenant je suis dans le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et il nuait les déroba leurs yeux. Continuez jusque dans le verset 14. Verset 12 dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Les noms sont là. Tous ceux qui étaient là, Magina Boikwapa. Oui, bien, mes frères. On a tout compris. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui prouve qu'après l'enlèvement de Jésus et avant la descente, donc la période qui sépare l'enlèvement de Jésus au ciel et la descente du Saint-Esprit, les disciples sont allés prêcher. Ils ont attendu. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, dans l'acte 2, acte chapitre 2, quand il est descendu, les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Ils parlaient en d'autres langues. Les juifs ont accouru pour voir l'événement. Et le Saint-Esprit étant descendu dans leur cœur, Jésus-Christ est devenu sous forme de l'Esprit dans leur cœur. Et en voyant les gens qui accouraient pour voir l'événement, le Saint-Esprit maintenant leva Pierre qui était le pasteur de cette église pour apporter maintenant l'évangile. Et il a prêché l'évangile. Il a parlé de Christ. Après avoir parlé de Christ, alors tout le monde était convaincu. Et tout le monde avait cru à la prédication de Pierre. Et ce sont ces derniers qui lui posaient la question de savoir qu'allons-nous faire. Pierre s'est levé. Il dit dans le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Vous voyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est venu et vous comprendrez dans le verset 36. Pierre explique, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude qui avait conviction qui l'a boubichi que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez, le Saint-Esprit en Pierre donne la réponse claire à l'équation de Jésus de Matthieu 28, verset 19. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Qui est Seigneur? C'est le Père. Christ, vous voyez, c'est le Saint-Esprit, le roi. Et Jésus, c'est le Fils. Vous voyez, un seul homme qui a occupé ses fonctions ici, il a un nom humain, un nom de la rédemption dans lequel toutes les nations de la terre reçoivent le pardon du péché et le salut. Ce nom-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est pourquoi Jésus et Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 4, en prêchant encore, il dit, verset 11-12, Jésus est la pierre jetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale d'angle. Le verset 12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous les cieux, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Tous les noms qu'on peut attribuer à Dieu, tous les noms dans lesquels Dieu s'est glorifié au cours des âges, à commencer par la Genèse jusqu'à aujourd'hui, tous ces noms-là ne peuvent pas nous sauver. Tous les noms-là il n'y a pas de pardon de péché. Vous voyez bien, mes frères, quand quelqu'un te dit, recevez le pardon de péché au nom de Jéhovah, il te ment. Quand il te dit, je te bénis au nom de la rose de Sharon. La rose de Sharon. Il te ment. Oui, bien, mes frères. Quand il te dit, je t'ai venu au nom du Père. Il n'y a pas. Ça, c'est une fonction. Il n'y a pas de bénédiction. Toutes les bénédictions que les enfants de la nouvelle alliance reçoivent, les reçoivent uniquement dans le nom de Jésus-Christ. Voyez, tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, les saluts, la guérison, toutes sortes de bénédictions, la sécurité, tout, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Donc, c'est pourquoi vous voyez dans toute la Bible, il n'y a aucun apôtre. Il n'y a aucun prédicateur qui a prêché ou qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Et quand vous voyez dans Matthieu 28, verset 19, il est parlé du nom. Un nom de la formule qu'on doit prononcer quand on baptise quelqu'un. Regardez, le nom se trouve au singulier. Il n'est pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non, non. C'est un seul nom, mais qui a occupé trois fonctions. Qui a occupé la fonction du Père, qui a occupé la fonction du Fils, et qui a occupé la fonction du Saint-Esprit. C'est vrai, frère. C'est pourquoi, en ce qui concerne la divinité, comme toi-même tu l'as signalé, frère et sœur, nous ne croyons pas à la Trinité. Nous croyons à un seul Dieu véritable qui a œuvré en trois fonctions, qui a pris trois titres, trois fonctions, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet homme qui a occupé ces trois fonctions-là s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a dit ceci chez les Éphésiens. Écoutez, Éphésiens chapitre 6. Chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons au verset 4 et 6. Éphésiens 4. Verset 4 et 6. Nous lisons. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et en tous. Vous voyez, le seul Dieu qui est le Père de tous. Lorsqu'il occupait le ciel, quand il est venu parmi nous, il fut appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il est en tous. C'est le Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Vous voyez bien, mes frères. Il est appelé, c'est le même Jésus qui fut appelé Père, qui a occupé la fonction du Père, qu'on a appelé Père, le même qu'on a appelé Fils, quand il a habité dans un corps humain pour régler la question du péché, nos mains l'ont touché. Et nos mains l'ont touché. Les apôtres, c'est-à-dire quand je dis les mains, l'église, parce que nous faisons partie de l'église. Donc, les hommes l'ont touché dans le corps humain. Vous voyez, ils ont mangé avec lui. Ils ont souffert avec lui. Ils l'ont vu comment il est décédé. Et quand il est parti, il changea de forme. Il prit maintenant la forme du Saint-Esprit pour se partager dans nos cœurs comme le Saint-Esprit. Voyez bien mes frères, il n'y a pas trois personnes en Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 8, dans son verset, bien comment, j'ai besoin du verset 6, je commence au verset 4, pour ce qui est des choses, pour ce qui est donc de manger de viande sacrifiée aux idoles. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car si les deux êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme s'il existe réellement plusieurs dieux, et plusieurs seigneurs, il n'existe pas plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Mais si ça existe pour les païens, les idolâtres, verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voyez bien mes frères, pas de Dieu, pas de Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Père, et cet homme-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Est-ce que c'est compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris? Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Notre Dieu et notre Père, nous comprenons ce soir que le seul nom dans lequel tu as mis tout ton pouvoir, dans lequel tu as mis le salut, la bénédiction, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons ce soir que c'est Jésus-Christ qui est l'unique véritable Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, de qui toutes choses dépendent. Seigneur, c'est lui qui est venu dans la chair. C'est lui qui a été fait sacrifice pour nos péchés. C'est lui qui a payé le prix du rachat en versant son sang pour notre pardon. C'est lui, Seigneur, qui est descendu dans nos cœurs sous la forme du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous bénir. Ce soir, bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Et reçois notre prière comme une offrande de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.